Ça va? Ouais, si vous voulez dire qu'il faut parler plus fort, c'est ça. Et c'est une signe d'approbation, c'est ça, d'accord? Donc je vais parler du spécisme, on va parler du spécisme et du véganisme. Et je vais commencer par une histoire, c'est celle d'une mère qui a perdu ses enfants. Esclave des désirs d'un autre, exploitée dans son corps, violée... C'est pas? Ok. C'est l'histoire d'une mère qui a perdu ses enfants. Esclave des désirs d'un autre, exploitée dans son corps, violée, séparée dès la naissance de son premier enfant. Lorsqu'elle met au monde des jumeaux, elle choisit de cacher un de ses enfants et d'abandonner l'autre. Malheureusement, le maître découvre quelques jours plus tard l'autre enfant dont il ignorait l'existence. Alors, cette histoire, normalement, ne fait rire personne ici, et on ne songe pas à dédramatiser la chose. Mais en revanche, c'est quand même du passé, et nous n'y pouvons rien faire. Mais peut-être qu'en vérité, nous pouvons y faire quelque chose. Car cette histoire n'est pas fictive, et des drames similaires ont lieu ici et maintenant. Il se trouve que ces grossesses et les séparations avec ses enfants n'ont qu'un seul but, prendre le lait de la mère. Il paraît que c'est une raison suffisante dans notre société, du moins comme quand cette mère, on a le malheur d'être mal née et d'être née de l'espèce Bosterus, c'est-à-dire d'être une vache. Alors, ce n'est peut-être qu'une histoire. Invoquons maintenant quelques chiffres qui nous viennent du domaine alimentaire, dans lequel le plus de meurtres légaux d'animaux sont commis chaque année. Chaque année, en France, sur 800 millions de poulets de chair abattus, 83% sont élevés sans accès à l'extérieur. Ils ne voient pas la lumière du jour, vivent renfermés, ont leur bec coupé et sont entassés les uns sur les autres. 800 millions de poulets de chair par an, cela fait 1500 par heure, 25 par seconde. Et 25, c'est déjà un nombre, à mon avis, trop grand pour qu'on puisse même se l'imaginer, se le représenter dans notre tête. Donc, on peut faire un exercice. Cette place de la République sur laquelle nous sommes fait 34 000 m². Cela représente à peu près 50 000 poulets. Cela veut dire qu'en une demi-heure, au rythme auquel nous abattons les animaux, cette place de la République est entière de ces chairs mortes de poulets de chair que nous mangeons. Et je ne parle ici que des poulets. Est-il utile d'invoquer d'autres chiffres que nous ne pouvons pas nous représenter de toute façon? Chaque année, 68% des 47 millions de poules pondeuses et 99% des 36 millions de lapins sont élevés en France en batterie de cage. Et n'oublions pas que derrière chaque unité, il y a un individu, une histoire semblable à celle que j'ai racontée au début, qui pourrait, si on l'écoutait, nous remuer au plus profond de nous-mêmes. Songeons aussi à la ferme des 1000 vaches, dont un ancien employé témoigne. Dans le troupeau, il y a au moins 300 vaches qui boitent. Elles sont fatiguées, maigres, elles ont des ongles trop longs ou des sabots qui pourrissent. Elles marchent à longueur de journée dans leurs excréments. D'habitude, on nettoie tous les 2 jours dans ce type d'élevage, là c'est tous les 15 jours. Les vaches sont sales. Il témoigne encore... Normal, quand une vache boite, on regarde ce qu'elle a. Mais là, on ne regarde pas quel est le problème. Les responsables ne veulent pas mettre de produits pour soigner les bêtes parce qu'elles coûtent cher et c'est du boulot. Songeons enfin à la conséquence logique de cette ferme des 1000 vaches, la ferme des 1000 veaux. Car oui, les vaches ne produisent pas du lait par magie, comme tous les mammifères ne le font que suite à une grossesse. Ces faits donc interpellent et nous nous demandons, que s'est-il passé? En vérité, ça n'a rien d'étonnant. Le capitaliste cherche à maximiser ses profits, et dans cette conception capitaliste, autrui devient un moyen. Qu'autrui devienne un moyen, cela est d'autant plus facile quand on s'est déjà permis de décider du moment de sa mort. Et que s'est-il passé pour que nous nous indignions devant la souffrance extrême de l'élevage industriel, mais pas devant la mise à mort en soi? Notre indignation face à la première est pourtant la preuve que nous nous soucions des animaux que l'on a fait naître pour mourir. Ces méfaits sont plus horribles et ne doivent pas cacher une question fondamentale, c'est-à-dire à la base même de notre comportement. Mettre à mort un être innocent, sans aucune nécessité, est-ce acceptable? C'est un fait. Dans notre société, les animaux non humains ne disposent pas des droits fondamentaux qu'ont les humains, à savoir pouvoir vivre librement, pleinement leur vie, et disposer de leur corps. Cette situation, où humains et non humains sont à ce point considérés différemment, porte un nom. C'est une société spéciste. Le spécisme, terme construit de même que racisme et sexisme, c'est le fait de discriminer, hiérarchiser les individus sur le critère de leur espèce. Vivre dans une société spéciste comme la nôtre, c'est vivre en n'ayant même pas besoin de se poser la question de légitimer ces exploitations des animaux non humains. C'est croire à cette évidence que les animaux non humains nous seraient inférieurs. On a du mal pourtant à concevoir quels critères est pris en compte pour justifier leur infériorité, chaque espèce vivant dans son propre monde qui lui est adapté. Être antispéciste, c'est considérer les animaux non humains comme des individus, pourvus d'intérêts, et donc leur attribuer des droits fondamentaux, ceux donc de vivre pleinement, librement leur vie. Pourquoi considérer les animaux non humains comme des individus? Ou plutôt, pourquoi pas? Ils ont pourtant comme nous raison, émotion, empathie. Ils peuvent communiquer et apprendre. Ils ne veulent pas plus que nous mourir. Surtout, ils sont sensibles. Ils sont aptes à la joie et à la douleur. Être antispéciste, c'est donc reconnaître une personne en tout être pourvue d'un vécu subjectif, d'une existence qui lui importe, et d'agir pour que les intérêts de toutes les personnes soient reconnus. Cela commence ici et tout de suite par cette simple considération. Nous qui n'avons pas besoin de tuer un, de tuer pour nous nourrir, pour qui manger la chair des animaux constitue un plaisir gustatif, un privilège de riche, un désastre écologique, un désastre humain, un plaisir donc plutôt qu'une nécessité, nous avons l'impératif moral. Dès lors que nous n'établissons pas de frontières injustifiées entre nous et les autres animaux, de vivre autrement. Heureusement, après tout ce qu'a dit... ouais, t'as des putains d'applaudissements. Heureusement, il existe des alternatives à tout ça. Donc, bien évidemment, toute cette souffrance n'est pas nécessaire puisque les humains, aujourd'hui, en Europe... ne consomme pas de produits animaux pour des questions de survie, mais pour des questions de plaisir gustatif. Donc aujourd'hui, tout cela en Europe, c'est juste une question de souffrance. Enfin, c'est de la souffrance gratuite en fait, puisque ce n'est pas nécessaire à notre survie. Donc il existe des alternatives à tout ça, bien évidemment. Donc il y a plusieurs types d'alternatives. Donc il y a le végétarisme. C'est le fait de refuser de consommer la chair, en fait, donc autant poisson qu'animal. Ensuite, il y a le végétalisme, donc c'est refuser dans son alimentation toutes sortes d'exploitations animales. Donc ça concerne aussi les produits laitiers, les œufs. Et puis il y a le véganisme, donc là c'est vraiment le refus absolu dans son mode de vie de l'exploitation animale. Donc ça concerne également les os. Le cuir, la laine et les cosmétiques qui sont testés sur les animaux, ça c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas. Les cigarettes qui sont testées sur les animaux, tout ce qui est graisse animale qu'on met dans les conservateurs, quoi, c'est vraiment un investissement, mais c'est très important. C'est le seul moyen en fait pacifique de lutter contre le spécisme aujourd'hui. Donc, bien évidemment, les alternatives ne provoquent aucune carence ou quoi, comme on peut se le dire. Aujourd'hui, dans les légumineuses, dans les légumineuses, il y a plus de protéines encore que dans la chair animale. Donc, pour ce qui est question de protéines. Ensuite, il existe les produits laitiers, mais issus seulement de lait végétaux. Enfin bref, il existe tout un tas d'alternatives végétales qui pour aller vers un mode de vie qui refuserait l'exploitation animale. Et donc nous on fait partie de la commission antispéciste, on est pour la libération animale, on est pour l'abolition de l'exploitation animale. Aujourd'hui il y a des associations qui forment des sanctuaires, ça s'appelle. Ce sont des endroits où c'est comme la maison de retraite des animaux. En fait, ce sont des endroits où ils recueillent des animaux qui ont vraiment été exploités par la société et où on les met là pour leur foutre la paix, en fait. Et c'est vraiment... Il y en a plusieurs, notamment, il y en a un qui s'appelle Groin-Groin. C'est en France, je crois. Non, c'est pas en France, je sais pas. Bref, si, c'est en France. Et voilà, donc il y a des trucs comme ça, il y a des associations qui se battent contre ça. Le plus courant, c'est les associations qui sensibilisent les gens sur la condition animale, parce que aujourd'hui, on ne naît pas spéciste, en fait, on apprend à l'être. C'est même pas un choix, en fait. Aujourd'hui, si on demande à un enfant s'il a envie de tuer une vache, bien évidemment, il va pas dire oui. Donc, c'est plus une oppression, en fait. C'est pour le profit aujourd'hui qu'on est spéciste. C'est pas du tout par conviction. Donc voilà, c'est très facile de lutter contre l'exploitation animale vu toutes les alternatives qui existent, mais en même temps c'est très difficile puisque c'est une remise en question de toute son éducation, de toute son alimentation. C'est très dur, il faut beaucoup d'humilité pour arriver à cette remise en question. Et puis c'est aussi remettre en question l'éducation de ses parents, l'éducation à l'école, c'est tout, c'est vraiment immense, ça demande un travail personnel incroyable, mais ça mène vraiment à une sérénité intérieure, puisque aujourd'hui la viande qu'on mange, c'est une viande qui a tellement souffert, on assimile de la souffrance et du mal-être, c'est vraiment très mauvais pour la santé. Donc déjà pour une question de santé, bon nous on fait ça vraiment pour l'abolition de l'exploitation animale, mais il y a aussi des questions de santé. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui la consommation de viande en France, c'est presque tous les jours pour la plupart des gens, c'est vraiment très très mauvais pour la santé, sachant qu'on peut vivre sans ça. Et notamment pour la planète, ce que je veux dire, c'est que être vegan, ça peut paraître comme un luxe. Oh là là, on est vegan. Alors que pas du tout. Vraiment, le régime végétalien pourrait régler le problème de la famine dans le monde. C'est-à-dire que si tout le monde était végétalien, on pourrait nourrir 4 fois la planète. Tout simplement, aujourd'hui, toutes les céréales qu'on cultive, tout le soja, mais tout ce qu'on cultive, tout ce que les pays pauvres cultivent, au lieu de le manger et de le donner à leurs enfants qui crèvent la dalle, et ben non, on le donne au bétail pour que les Occidentaux puissent manger un steak. Aujourd'hui, pour 1 kilo de bœuf, il faut 15 litres d'eau, c'est énorme. Et la déforestation de l'Amazonie, c'est en partie, on rase les forêts pour planter le soja, pour nourrir le bétail, parce que les Occidentaux mangent beaucoup trop de viande. Voilà. Donc il y a tout un tas de raisons pour devenir vegan. Go vegan. Alors maintenant on va passer à la partie débat. Est-ce que vous avez des questions ou... Oui, vous n'avez pas terminé. Ah oui, il y a un document. En fait, on a préparé une fiche avec des documents que vous pouvez consulter et aller voir sur internet ou des livres, des choses comme ça. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite rebondir, quelqu'un ou quelqu'une souhaite rebondir sur ce qui a été dit ? Oui ? J'ai bien la question. Et qu'est-ce que nous pouvons faire ? Parce que le végétarianisme, le véganisme, nous habitons en Paris, en Dijon, oh là là, et nous savons qu'aller à les supermarchés à payer les tomates, les disques. Et se contrôler par l'Allemagne, la Union Européenne, se contrôler tout le commerce. Et qu'est-ce que nous fait pour que les entreprises qui contrôlent les tomates aussi sont assassinées beaucoup de petits animaux, beaucoup de chez Monsanto. Si je dis qu'est-ce que nous fait avec. En fait, ta question, c'est que tu demandes qu'est-ce qu'on fait des animaux, c'est ça ? En fait, j'ai pas trop compris. En fait, j'ai pas compris. En fait, la solution, c'est vraiment le boycott, puisque notre pouvoir aujourd'hui, c'est pas le droit de vote. Notre pouvoir aujourd'hui, le seul pouvoir, malheureusement, c'est le pouvoir d'achat. Mais t'as pas besoin. De... Bah, j'ai mieux entendu parce que tu parlais pas très fort, en fait. Donc en fait, si j'ai bien compris ta question, tu faisais référence aux animaux tués dans le cadre de l'agriculture végétale. Voilà. Bah effectivement, c'est une question qui se pose et c'est vrai que même si c'est pas une question qu'on aborde forcément avec les personnes qui mangent encore de la viande, c'est une question qu'on se pose beaucoup parce qu'effectivement beaucoup d'animaux meurent dans les constructions humaines, dans l'agriculture humaine et c'est à la fois une question à laquelle il faut trouver des solutions. Et il y a des recherches qui sont faites en ce sens. Enfin, il y a une brochure de l'AVF qui est intitulée « Agriculture végane » et qui parle de la manière dont on peut améliorer la permaculture pour tuer le moins d'êtres vivants possible. Mais c'est vrai que c'est quelque chose encore de très débutant. Et même dans une optique très, très industrielle, il resterait tout de même meilleur pour les animaux de ne pas manger de viande, dans le sens où, comme le disait Juliette, il faut énormément de soja et de maïs pour pouvoir produire de la viande. Et même en admettant qu'on est dans une situation actuelle où l'agriculture extensive et intensive tue beaucoup d'animaux au mètre carré, il reste intéressant de produire moins de végétaux pour ne pas nourrir les vaches. Enfin, de produire moins de végétaux en les consommant nous-mêmes, en fait. J'ai pas entendu, excuse-moi. Mais on peut continuer à acheter les végétaux chez les agriculteurs. Je comprends pas tellement la question, en fait. Le fait de quand je dis produire des végétaux, évidemment, à travers notre rôle de consommateur parisien, je parle évidemment du fait d'aller acheter des végétaux. Nous, en tant que tels, on produit pas de végétaux. On habite effectivement à Paris, mais quand tu achètes des végétaux, c'est un signal que tu envoies vers un paysan pour lui dire d'en produire. Et il restera toujours intéressant, au final, de produire 10 fois moins de soja et 10 fois moins de maïs, voire 20 fois moins. Pour manger directement le maïs et le soja nous-mêmes, plutôt que de manger la viande. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors c'est pas une question qui vient directement de moi, parce qu'en fait elle avait été déjà posée quand il y avait quelqu'un qui était venu intervenir sur le véganisme. Et c'est le fait que tous ces animaux donc, que l'on consomme, où est-ce... Enfin, alors du coup je sais pas trop comment la formuler. Est-ce qu'ils ne risqueraient pas, si on arrêtait de consommer de la viande, donc disons voilà, on arrête de consommer de la viande, que deviendraient les animaux? Est-ce qu'il ne faudrait pas du coup revoir carrément l'idée de territorialisation, c'est-à-dire la façon dont on partage l'environnement, enfin la terre, avec les animaux, puisque du coup, ils ne seraient plus consommés, donc il n'y aurait pas un espace un peu voué à la consommation des animaux. Vu que ça n'existerait plus, quelle place, enfin c'est une autre question en fait, quelle place on laisserait aux animaux, et je crois que ça doit être entendu aussi avec... Il y a plusieurs réponses à cette question. Une des propositions peut-être les plus intéressantes qui a été faite dernièrement, c'est celle effectuée par les auteurs de Zoopolis. Enfin, c'est développé dans Zoopolis, qui est un bouquin pour l'instant uniquement disponible en anglais, je crois. Et donc la réponse, c'est que, par exemple, les animaux sauvages ont leur territoire et effectivement, ils devraient disposer de leur autonomie, c'est-à-dire comme un état, où, grosso modo, les baleines, on va pas aller les embêter, on va essayer de limiter notre impact vis-à-vis d'elles. Les animaux limitrophes, c'est-à-dire les animaux par exemple comme les écureuils, tout ça, qui ne sont pas des animaux domestiques mais qui vivent quand même en contact de nous, là, il faut essayer de prendre aussi en compte leurs intérêts, c'est-à-dire les animaux domestiques, là c'est peut-être pas ta question en fait. Ouais, donc j'ai répondu du coup. Donc, grosso modo, ici. C'est-à-dire oui, effectivement, en laissant des territoires, on peut laisser des territoires aux animaux, simplement. Après, pour répondre, pour les animaux sauvages, on se pose pas la question, mais pour les vaches, etc., les animaux ne naissent pas naturellement. On pousse en fait les mères à produire le plus possible en fait d'animaux. Donc si on arrête de manger de viande, on aura plus ce processus-là, donc on aura moins le problème de surpopulation des animaux. Je voulais rebondir sur ce que Juliette avait dit. En fait, ouais, dans notre société, ce qu'il faut vraiment... Enfin, moi, je pense que ce qui serait la base, en fait, du lancement du véganisme, ce serait vraiment l'éducation, parce que, en effet, on n'a jamais appris... dans notre éducation, on nous a appris à être spéciste, on nous a appris la dissonance cognitive, comme quoi un chien ne devrait pas être tué, enfin en Occident en tout cas, et une vache, il n'y aurait pas de souci. Et je pense que ça, ce serait en fait, il faudrait repartir de l'éducation à l'école, et ce serait dans les écoles qu'il faudrait faire la sensibilisation, des interventions. Pour expliquer justement qu'il y a une alternative, qu'il y a quelque chose d'autre qu'on puisse faire et qu'on n'est pas impuissant. Parce que souvent ce qu'on entend dire, c'est qu'on ne peut pas tous le faire, qu'on ne peut pas tous se mobiliser. Or, c'est totalement faux. Mais dans notre société, que ce soit politique ou alimentaire ou tout ce qu'on veut, on nous a appris à être impuissants. Et voilà, et je pense que c'est en fait par là qu'il faudrait commencer, par l'éducation. Moi, je suis absolument d'accord avec toi et j'aimerais beaucoup aller dans les écoles pour parler. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu un sujet tabou parce que remettre en question l'éducation, ça plaît pas trop aux adultes, tu vois. Il y a aussi un truc qui est que, pour la plupart des gens, nous, on a vu des vidéos. C'est quand même un premier déclic de voir les vidéos de conditions animales en France. Malheureusement, ces vidéos-là, tu peux pas les montrer aux enfants. On sait pas pourquoi. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'assumer, en fait, devant nos enfants comment sont fait la nourriture qu'ils assimilent, en fait. Tout simplement parce que c'est trop choquant. Donc c'est vrai que c'est très compliqué parce que on aimerait dire la vérité aux enfants, mais la vérité est tellement choquante qu'on ne peut pas en fait. Donc aujourd'hui c'est censuré à partir d'un certain âge. C'est pour ça que la plupart des enfants ne se rendent pas compte qu'ils mangent un cadavre, vraiment. En fait, la société met tellement loin le steak de l'animal. Par exemple, c'est-à-dire on dit pas à un enfant que tu manges une vache, tu vois, on lui dit tu manges du bœuf, tu manges pas une poule, tu manges du poulet, tu manges pas un cochon, tu manges du porc. Enfin, tu vois, c'est tous ces mots comme ça qui vraiment éloignent l'enfant qui empêche l'enfant d'avoir cette réflexion de se rendre compte qu'il est en train de manger un animal mort. C'est pour ça que très peu de gens, en fait, même en grandissant, très peu de gens font ce rapprochement, en fait. Au niveau de l'idée de vegan et de l'éducation, c'est un éveil général. C'est pas que vegan, il y a aussi l'antispécisme, je crois, qui sont liés. Et c'est peut-être une autre façon d'accorder de l'importance à la vie, pas simplement au niveau de sa consommation, mais au niveau de nos agissements qui nous paraissent normaux, mais qui n'ont rien de me écraser une fourmi ou tuer une araignée. Faire souffrir un animal domestique, soi-disant, parce qu'il nous appartient, c'est notre chien. La façon dont non seulement on les traite, mais dont on les regarde, dont on les utilise. Comment est-il possible que la zoophilie existe, par exemple? Et aussi, aujourd'hui, c'est une journée Monsanto. Peut-être réfléchir aussi sur notre côté déiste et créatif de nouvelles espèces à partir de modifications de gènes. Voilà, c'est beaucoup de questions qui se posent. Effectivement, la naissance c'est un éveil non seulement de nos enfants, mais aussi de nous-mêmes. Merci. Alors oui, moi sur le spécisme, au fond, j'ai une question un peu plus théorique, parce que tout à l'heure, tu as dit que les animaux étaient doués de raison, etc., de quasiment de parole, j'en suis pas convaincu. Au fond, la question que je me pose, c'est où est le critère de non-discrimination, au fond, c'est-à-dire quel est le critère qui fait qu'on ne doit pas considérer un animal. Alors est-ce que c'est la vie, par exemple, qu'on doit absolument respecter, mais en ce cas, évidemment, c'est pas seulement des animaux qu'il faut s'arrêter de manger. Est-ce que c'est la raison? Mais dans ce cas-là, moi, honnêtement, la raison de la fourmi, j'y crois pas tellement. Est-ce que c'est la sensibilité? Sûrement, c'est ça. Enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est la sensibilité. Mais en ce cas-là, moi, je reconnais que j'ai du mal à saisir où se situe ce qu'on a le droit, au fond, ce qui serait légitime de tuer ou non, etc. Est-ce que des animaux qui n'ont pas de nerfs, par exemple, pourraient être dominés, tandis que des animaux qui en ont ne peuvent pas, etc. C'est-à-dire, voilà, moi, en fait, je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui fait qu'on décide de ne pas discriminer tel type d'être vivant ou qu'est-ce qu'on... Je pense que la raison, elle est encore plus profonde que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société de semblables, où que ce soit en termes de démocratie, de famille, de rapport aux autres, on est vraiment en termes de semblables. On s'assemble avec nos semblables. Et ce système-là, il est mortifère. Et du coup, ce que tu disais, oui, la vie en général, bah, je pense que le ramener à ce niveau-là, ramener nos pratiques en fonction du mieux pour la vie, c'est archi nécessaire. Et du coup, voir simplement qu'est-ce qui est discriminatoire. Si tu marches sur une fourmi, bon, ça arrive, tu vois, et t'es pas dans un acte mortifère en soi. Mais si t'achètes ta bouffe tous les jours au supermarché, et que c'est tous les jours du poulet pourrave qui est produit en batterie, etc., voilà. Donc c'est en termes de pratique. Je suis d'accord, hein, sur le mode de production capitaliste de la nourriture, je pense pas qu'il y ait quiconque ici qui va le défendre. Seulement, précisément, couper un brin d'herbe, c'est un acte mortifère aussi. Enfin, je veux dire, si c'est la vie le critère, les plantes vivent, quoi. Je veux dire, on peut pas... Enfin, moi, c'est là qu'il me semble qu'il y a une ambiguïté, au fond, dans l'antispécisme, puisque l'antispécisme est une forme de spécisme aussi. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qu'on a le droit de dominer et de tuer, et il y en a qu'on n'a pas le droit. Voilà. La raison, la communication, l'empathie chez les animaux, ce n'est pas sujet de croyance. Hein, ce sont des faits vérifiables et affirmés. Donc, il faut regarder la littérature scientifique. Il y a des bouquins qui en parlent bien, d'éthologie. Donc, voilà, l'éthologie, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'étude des animaux. Et donc, il y a des gens qui passent leur temps à étudier les animaux pour justement arrêter de propager des choses fausses, du style quand Descartes dit que les animaux ne sentent pas, tout ça, voilà. On est quand même rendu assez loin de cette idée-là, même si ces idées-là, bon, nous imprègnent encore la société. Mais donc pour ça, pour l'éthologie, il y a quelques bouquins qui sont pas mal. Il y a Les émotions des animaux de Marc Bekoff. Il y a L'animal est une personne de Yves Christen, qui a beaucoup, beaucoup de sources, beaucoup de références. Donc ouais, c'est vraiment pas sujet de croyance, faut juste informer. Bon, quand je dis qu'il y a une raison, ça veut dire une faculté. Par exemple, j'ai commencé avec une histoire d'une vache qui a des jumeaux. Elle sait que son enfant va être enlevé, donc elle choisit d'en donner un à son maître et puis de cacher l'autre. Ça veut dire quand même qu'elle savait qu'elle avait deviné que son autre enfant allait que ses enfants allaient être pris. Elle s'est dit qu'est-ce que je peux faire contre ça, et elle a décidé d'en cacher un parce qu'elle savait que si elle en cachait les deux, le maître allait trouver ça bizarre. Donc il y a quand même tout un processus de réflexion, et je pense qu'on peut appeler ça de la raison. Et concernant l'antispécisme, effectivement, le critère qu'on prend, enfin que je prends moi, c'est vrai qu'il y a des personnes qui prennent le critère de la vie, mais le critère que je prends moi et que je trouve pertinent, c'est celui de la sentience, ou si tu veux, de la sensibilité. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, enfin, j'ai pas défini sentience, j'ai même pas utilisé le mot. La sentience, c'est le fait d'avoir un vécu subjectif. Donc en fait, le critère, c'est tout simplement, est-ce que ça a des intérêts? Est-ce que cette chose est un être qui a des intérêts? Et si oui, alors il faut essayer de prendre en compte ses intérêts et de voir, par exemple, notamment, il y a des actes qui sont faciles à évaluer. Tous les actes qui vont à l'encontre de ce que j'appelais des intérêts fondamentaux, c'est par exemple celui de vivre librement et pleinement. Et les animaux qu'on exploite, pour la plupart, vaches, cochons, etc., tous les mammifères, ça ne fait aucun doute qu'ils ont leurs intérêts et qu'ils sont très proches de nous. Et donc on est apte à comprendre ces intérêts. Et donc leurs intérêts à vivre rentrent en pleine contradiction avec notre plaisir à les manger. Et donc à partir de ce moment-là, vu que c'est une opposition entre le fait de vivre et le fait d'avoir un plaisir qui par ailleurs peut être obtenu autrement, parce que quand même manger végétalien, ça ne veut pas dire manger sans plaisir. Dans ce cas-là, il n'y a aucun doute sur l'impératif moral, enfin sur ce que nous dit la morale, du moment qu'on ne discrimine pas ces individus-là. Mais le critère vraiment, c'est est-ce que ça a des intérêts? Donc autrement dit, est-ce que c'est sentient? Est-ce que ça a un vécu subjectif? Des questions? Oui, attends, je garde. Ben, c'est pas vraiment une question, mais j'aimerais réagir par rapport à ce que tu disais en parlant du fait que le spécisme était aussi du spécisme. Enfin, l'antispécisme était aussi une forme de spécisme. On parle généralement de discrimination, mais c'est un raccourci. Quand on dit discrimination, on veut dire discrimination arbitraire ou illégitime. Comment dire ça? Toutes les discriminations ne sont pas arbitraires ou illégitimes. Dans une société, il est probablement que les êtres humains et les poules n'auraient pas exactement les mêmes droits et les mêmes possibilités, mais ils auraient les droits et les possibilités qui leur sont adaptés. En l'occurrence, les animaux qui ont la capacité de souffrir devraient être protégés du droit de ne pas souffrir. Les animaux qui ont la capacité de lire des livres devraient être en situation de lire des livres. Et quand on parle de discrimination, il est important de toujours se rappeler qu'on parle de discrimination négative. Parce que, évidemment, on ne prétend pas faire une égalité de traitement pour absolument tous les êtres vivants sur Terre. Ça n'aura aucun sens et ça ne servira à personne. Mais on prétend donner à chacun ce dont il a besoin et ce qui est bon pour lui. Et donc, il y a effectivement une différence de traitement entre les animaux et les plantes. Ne serait-ce que parce que les plantes n'ont pas les mêmes besoins que les animaux. Et c'est pas du spécisme en tant que tel que de dire que les plantes ne protègent, en tout cas pas de la même façon que les animaux. C'est simplement de prendre en compte leurs besoins spécifiques. Et c'est pas qu'on sous-estime les intérêts des plantes. Enfin, dans le sens où si les plantes avaient des intérêts, on prendrait leurs intérêts en compte. Mais il s'agit pas en soi de ne pas prendre en compte les intérêts de certains. Il s'agit au contraire de les prendre en compte pour ce qu'ils sont. Et de ne pas les extrapoler à ce qu'ils ne sont pas. Oui, moi ça me gênait un petit peu en fait cette vision du rapport entre les êtres vivants avec la question de l'intérêt, parce que alors déjà j'ai l'impression que c'est un petit peu anthropocentré dans le sens où c'est une projection finalement de ce qui caractériserait l'humain sur les animaux, en sachant que déjà l'intérêt, ça ne caractérise pas l'humain, ça caractérise l'humain dans une société particulière. Tous les êtres humains n'ont pas toujours vécu avec la notion d'intérêt en eux, et n'ont pas toujours vécu par rapport à ça. Et donc du coup, ce que je voulais... ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que peut-être que de placer justement le rapport entre les espèces sur une base de reconnaissance de ce qui est similaire et ce qui ne l'est pas, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement partir de la question du respect de ce qui est vivant, plutôt que de chercher quelque chose comme ça qui serait il est pareil, ou il a ça en plus ou ça en moins. Quand je parle d'intérêt, je parle de ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de vivre, de leur volonté. Et quand tu invoques la notion de respect, c'est, pour moi, c'est exactement pareil. Respecter quelqu'un, ça veut dire ne pas faire des choses qu'il ne voudrait pas que l'on lui fasse. Donc c'est respecter les intérêts, respecter ses volontés. Mais je n'ai pas parlé de reconnaissance. Si. Reconnaître ses intérêts, ça veut dire... Reconnaître ses intérêts, ça ne veut pas dire quelque chose de commun. Là. Ça veut dire juste voir quels sont les intérêts. Par exemple, l'intérêt d'une poule, ça va être, par exemple, au moins de pouvoir, vivre sur Terre, d'avoir la liberté de venir et d'aller, de pouvoir picorer, ce genre de choses. Enfin, c'est pas du tout un intérêt pécunier, financier ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste les intérêts, j'ai envie de dire, biologiques, enfin, les intérêts vraiment fondamentaux d'un individu. Et on peut respecter chez les animaux des intérêts qu'on ne partage pas avec eux. Par exemple, moi, je comprends assez mal comment une poule peut vouloir couver ses œufs. Genre, couver, c'est un acte qui, comme ça, ne me parle pas beaucoup. Étant donné ma condition d'humain, ce n'est pas un de mes intérêts de couver. Mais je sais, en regardant les poules et en regardant des études, que les poules veulent couver leurs œufs. Parfois elles les cachent même, y compris les œufs non fécondés, et ça justifie qu'on respecte l'intérêt qui est de couver leurs œufs, ou l'implication affective qu'elles ont avec leurs œufs même non fécondés, et donc qu'on leur laisse leurs œufs. Il n'y a pas besoin de que ce soit quelque chose de commun avec notre espèce nécessairement. Après, il se trouve qu'on partage certain nombre de choses importantes comme la capacité à souffrir, la vie sociale, etc. avec la quasi-totalité des animaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'ai une question. Aussi, toujours sur cette question de la discrimination, pas de la discrimination, mais des critères de distinction et de différenciation. On a évoqué celui entre les végétaux et les animaux, nous compris. Et je voulais lancer un autre grand sujet de débat, c'est celui des tests pharmaceutiques. Et bien sûr, ça nous révulse tous, je pense, quand on voit des vidéos de rats de laboratoire ou de trucs comme ça. Et personne, a priori, est particulièrement envie de faire souffrir même un rat, qui n'est pas l'animal le plus glamour, le plus aimé des humains. Mais quand il est en jeu de savoir s'il vaut mieux faire souffrir un rat ou faire tester ça sur des êtres humains, et on sait qu'il y a des accidents réguliers avec des médicaments testés sur des êtres humains et qui en fait ont des effets secondaires, enfin bref, parce qu'ils étaient pas encore bien adaptés, etc. Il y a des risques, quoi. Et donc se pose la question d'un choix. Comment défendre les droits des animaux qui risquent d'être maltraités en laboratoire sans mettre en danger les droits et la santé de ces autres animaux que nous sommes? Du point de vue antispéciste, vraiment philosophique, la réponse est assez facile. C'est-à-dire qu'un rat ayant le même intérêt fondamental et devant avoir le même droit, il n'est pas juste sur une position antispéciste, il est injuste de le tuer ou de l'exploiter toute sa vie, de lui donner le cancer pour ensuite essayer de le guérir. pour guérir un autre être humain. Enfin, ou alors il faut accepter de le faire avec des humains, ce qui serait d'ailleurs beaucoup plus logique et cohérent vu qu'on essaie de guérir des humains et pas des rats. Du point de vue scientifique, il faut savoir quand même que l'expérimentation... Oui, on commence par les rats et ça n'empêche pas d'ailleurs qu'il peut y avoir des problèmes pendant la phase de test sur les humains. Il peut aussi y avoir des problèmes, tous les effets secondaires des médicaments, dont pas mal de gens meurent quand même. Faut savoir que l'expérimentation animale, c'est très majoritairement utilisé, c'est très traditionnel, mais c'est pas les méthodes les plus efficaces. Et par rapport à leur efficacité, il y a vraiment une... Enfin, après, c'est quand même toute une industrie, parce qu'il y a des gens qui... Enfin, des entreprises qui fournissent ces animaux, donc ça fait des revenus, tout ça. Donc ils n'ont pas forcément envie, ces gens-là, qu'on change de méthode. Mais quand même, il y a des méthodes qui sont même... J'ai même pas envie de dire alternatives, puisqu'elles sont en fait plus fiables et plus sûres sur pas mal de points. Par exemple, des méthodes cellulaires, tout simplement, on cultive des cellules humaines, et ensuite, on vérifie quelle est la réaction de ces cellules vis-à-vis d'un certain type de produit. Étant donné que la plupart des maladies humaines, enfin, la plupart des maladies sont d'origine cellulaire, ces tests-là nous permettent de détecter les réactions. Par exemple, est-ce que ce médicament va influencer sur le diabète, va influencer sur le cancer, ce genre de choses. Donc pour ça, vous pouvez regarder, il y a la liste avec l'information. Il y a le site d'Antidote Europe, qui est une association qui lutte contre l'expérimentation animale pour des raisons vraiment scientifiques. Et il y a aussi une vidéo sur YouTube qui s'appelle 12 minutes. C'est l'épisode sur la vivisection. Donc grosso modo, l'expérimentation animale, c'est quand même vraiment quelque chose dont on peut se passer, au moins pour la majorité des cas. Parce que effectivement, il y a des méthodes plus fiables. Et effectivement, enfin, biologiquement, ça n'a pas forcément de sens de tester ces animaux pour tester ensuite sur des humains. Par exemple, il y a des médicaments qui se révèlent efficaces sur les animaux, mais pas sur les humains. Il y a aussi des médicaments qui se révèlent pas efficaces sur les animaux, sur les rats, les chimpanzés, et qui en fait se révèlent efficaces sur les humains. Donc, je crois que c'est... Enfin, je ne sais plus quelle maladie exactement, mais on a perdu pas mal de temps à cause de ça, puisque justement, on avait essayé un médicament sur des animaux. Ça n'a pas marché. Il a fallu 30 ans pour qu'on le réessaye, je ne sais plus à quelles circonstances, sur des humains. Et effectivement, là, ça marchait. Je voulais juste dire, en fait, aujourd'hui, on considère les animaux moins importants que les humains. Les humains sont plus importants. Mais si je te pose la question, si tu dois faire des tests sur un chien, un sauveteur ou un meurtrier, tu choisis qui ? Oui, mais c'est sûr, là en plus on parle dans des abstractions en fait. Et en fait, c'est aussi peut-être la limite. On parle de l'humain, de l'homme, du rat en général, mais c'est toujours. Et quand on voit, c'est pour ça que c'est bien d'être confronté à des vidéos, des choses comme ça, et tel rat, tel bœuf, tel dans telle circonstance, et là on se rend compte, on est confronté à une chose sensible, enfin un être sensible. Et donc. Oui, mais tout dépend de quel chien, si je le connais, quel, tu vois, bien sûr, on ne peut pas choisir. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions ? Je voudrais faire trois commentaires. D'abord, premièrement, le droit des animaux, ça devient une nécessité impérieuse. Je pense qu'une société dans laquelle on ne définit pas des droits de l'animal comme les droits de l'homme, c'est inacceptable. Et je pense qu'il faut que ça évolue. Donc je défends absolument cette position. Pour répondre au problème d'expérimentation, c'est évident que l'expérimentation animale va disparaître parce que l'évolution biologique fait qu'en fait, on a des modèles de plus en plus... Je pense cellulaire et autres, et on arrivera à se passer de ça. En attendant, c'est malheureusement indispensable, en particulier pour fixer les doses de médicaments. Il faut ce qu'on appelle les doses létales, et on est obligé de le faire. Donc, en ce moment, il faut simplement veiller à bien encadrer ces pratiques, et on peut effectivement le faire dans un cadre réglementaire extrêmement strict et rigide. Mais les deux points qui me semblent importants, c'est se battre pour qu'il y ait un droit des animaux, vraiment, définir très précisément ça. L'humanité ne peut se définir qu'en absolument en se battant pour cet objectif-là, c'est-à-dire considérer l'être sensible, l'être animal, comme son égal. Mais en même temps, malheureusement, l'évolution scientifique a été obligée de passer par cette case. Et en ce moment, il faut absolument encadrer ces pratiques. Mais de toute façon, elle est amenée à disparaître. Et il faut s'en réjouir. Alors, pour les doses létales, effectivement, il y a une obligation légale. Mais enfin, je pense quand même qu'il y a des tests alternatifs. Notamment, par exemple, il y a des tests qu'on fait sur les lapins pour savoir... Pour savoir si les produits nuisent aux yeux. Et voilà, il y a énormément de lapins, j'ai pas le chiffre, mais il y a énormément qui sont utilisés pour faire ce test. Et il y a un test alternatif qui est là encore une sorte, je peux pas vous dire, d'ailleurs j'en souviens plus très bien, mais qui donne des résultats aussi fiables, même plus en fait, et même je crois plus détaillés. Donc, et pour les autres tests, je suis prêt à parier qu'il y a ou il y aura très bientôt des alternatives. Ouais, on a des documents, enfin une fiche qui liste des documents avec vidéos, livres, blogs sur la cause animale, avec des liens vers des recettes, vers des compléments sur la notion de spécie, sur le véganisme et tout ça. Là, c'est vraiment une question de... Est-ce que vous en savez, est-ce que vous savez un petit peu où s'en est actuellement, justement, l'inflation, les droits des animaux? Où est-ce que ça en est actuellement? Si quelqu'un tue volontairement un animal, est-ce qu'il y a encore l'aspect volontaire? Parce que moi, j'ai aucune idée de là où ça en est. Pour moi, il faudrait absolument les mêmes droits aux animaux qu'aux humains, c'est clair. Mais où est-ce que ça en est, là? Alors, il y a plusieurs catégories d'animaux. Les animaux domestiques, eux, sont protégés d'abord en tant que bien du propriétaire, et puis même sont protégés en soi. On n'a pas le droit, il me semble, de torturer son chien. C'est interdit. Voilà, les animaux de cirque et tout ça, il doit y avoir quelques réglementations, mais bon, au vu de ce qu'ils subissent, c'est quand même pas grand-chose. Ensuite, les animaux sauvages, eux, ont vraiment très peu de droits. Ils sont protégés éventuellement en tant qu'espèce, c'est-à-dire c'est la régulation de la chasse. Mais sinon, ils sont même pas. Enfin, les animaux sauvages ne sont pas reconnus en tant que tels. En tant qu'individu, ça n'a pas plus de valeur qu'un arbre ou qu'un caillou. Enfin, c'est juste une chose. C'est juste une chose qui se balade sur la terre, une chose mobile. Et donc, la dernière évolution. Relativement conséquente, même si essentiellement symbolique, du droit sur cette question, c'était l'année dernière où dans le code civil, les animaux sont passés de, tout simplement, ils étaient des biens meubles et ils sont passés au statut d'êtres sensibles soumis au régime des biens meubles. Donc la nuance est vraiment, vraiment symbolique. Pour l'instant, c'est vraiment juste, c'est leur statut primaire, c'est être sensible, mais ça n'a aucune incidence juridique. Mais ensuite, on les remet dans la case bien meuble en disant que juridiquement, ils sont, c'est leur catégorie et tout. Mais du coup, ils sont quand même plus des biens meubles. Donc peut-être que ça va évoluer à ce niveau-là. Comme tu parlais justement des régimes juridiques, j'aimerais apporter aussi une précision. Qui est que même si les animaux domestiques et familiers sont protégés en tant que propriété et qu'il y a des lois contre leur torture, déjà il faut savoir que la situation peut être sensiblement différente selon le contexte. Il les punit tout à fait différemment de torturer un chat en place publique que de le torturer chez soi, parce qu'on considère que le dommage principal a été effectué sur les humains qui ont eu à assister au spectacle. Et il faut savoir qu'au-delà de la torture, la simple mise à mort des animaux domestiques, donc une catégorie légale qui implique à la fois les chiens, les chats, mais aussi les vaches et les cochons, la simple mise à mort des animaux domestiques n'est pas du tout interdite du moment qu'elle est réalisée dans les conditions sanitaires obligatoires. Donc, du point de vue de leur vie, ils n'ont aucune sécurité. Ils sont juste protégés contre la torture, principalement publique. Après la torture, c'est une loi qui date, enfin la torture dans l'espace public, l'interdiction de maltraitance envers les animaux dans les espaces publics, c'est quelque chose qui date du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle la loi Gramont. Et une chose intéressante, c'est que cette loi, à l'origine, le général Gramont, il voulait juste interdire la maltraitance animale dans les lieux publics, ça n'a pas marché, parce que son argumentaire, c'était il faut interdire pour les animaux, quoi, pour ne pas faire de mal aux animaux, ça devrait être interdit. Et donc ça a été rejeté. Et ensuite, effectivement, il a fait une deuxième proposition. Et là, son argumentaire, c'était celui qu'invoquait Tipeee, c'est-à-dire il ne faut pas faire de mal aux animaux dans l'espace public parce que c'est violent et que ça va choquer les gens autour et puis ça va propager la violence, les gens vont devenir plus violents. Et donc là, c'est passé. Je voulais juste ajouter qu'il y a quand même un cas où la torture d'un animal dans l'espace public est autorisée, c'est la corrida. Parce que dans certaines villes, si on parvient à prouver que ça a eu lieu une fois avant, sous prétexte que c'est traditionnel, alors on a droit de le faire. Et là, ça m'est venu à l'esprit parce qu'aujourd'hui, j'étais assise quelque part et puis quelqu'un est venu à côté de moi et a commencé à parler à son ami en disant « Oh, je suis allée à la feria de Nîmes, j'ai assisté à la corrida, c'était très bien, etc. » Et j'ai un peu du mal à comprendre, mais bon, voilà, c'est une parenthèse. Effectivement, d'ailleurs, la corrida, enfin, je ne connais aucun autre exemple de pratique, enfin, de loi qui interdise localement, d'ailleurs pour une raison éthique essentiellement, qui interdise dans la plupart des régions de France quelque chose, mais qui l'autorise sous réserve de tradition ailleurs. Mais effectivement, enfin, la corrida, voilà. Après. Juste pour noter que la corrida et entre la corrida et le fait d'aller manger de la viande, fondamentalement, il n'y a pas grande différence. C'est toutes les deux des traditions. Il y en a une qui est plus acceptée que l'autre parce que je sais pas, la maltraitance envers l'animal semble plus lointaine. C'est pas nous qui on voit pas le spectacle, mais fondamentalement, c'est qu'il faut quand même réaliser que il y a vraiment pas tellement de différence dans la mesure où dans les deux cas, on n'en a pas besoin et donc ça relève simplement du plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez sur ce sujet très vaste. Ah bon, ce qu'il y a, c'est que... Non, moi je voudrais savoir, est-ce que vous avez été au contact des éleveurs ? Est-ce que vous les avez interpellés ou pas sur cette question ? Que vous ont-ils dit ? Ouais, les premiers concernés ? À titre personnel, pas tellement, non. Après, on a des gens qui sont des éleveurs ou qui ont fait des élevages qui sont passés nous voir à la commission antispécisme. En général, le dialogue avec eux, et bon, ça se passe bien, on s'entend bien, mais c'est vrai que c'est relativement difficile parce que ça relève de conceptions complètement différentes. D'un côté, nous qui sommes antispécistes et qui donc considérons qu'on n'a pas le droit de tuer des animaux pour se nourrir, etc. Et de l'autre côté, une vision qui relève plus de la tradition, c'est-à-dire que bon, les gens qu'on a rencontrés, c'est pas des éleveurs industriels parce que là, ils seraient d'accord pour nous. D'ailleurs, dans la plupart du temps, les éleveurs industriels, c'est pas drôle de travailler dedans. J'ai lu tout à l'heure un témoignage d'un employé de la ferme des 1000 vaches. Bon, c'est moche, quoi. Pareil pour les abattoirs. Travailler dans les abattoirs, c'est un travail pas bien payé, c'est un travail ingrat, c'est un travail violent, et c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment dégradant pour les employés. Donc les personnes qu'on a rencontrées sur le stand, c'est essentiellement des gens qui ont fait des élevages traditionnels. Effectivement, pour eux, c'est une autre conception, c'est-à-dire que c'est Ils traitent bien leurs animaux, ils sont dans un rapport, ils se comprennent leurs animaux, ils les aiment. Mais c'est vrai que, quelque part, je trouve ça un peu cynique parce que ça ne les empêche pas de les mener à l'abattoir quand il va le falloir. C'est-à-dire, même pas quand l'animal est en mauvaise santé ou quoi, hein, c'est quand l'animal n'est plus rentable ou faut juste qu'enfin, pour le cas des vaches, une vache s'est menée à l'abattoir au bout de 5 ans, à peu près une vache laitière, au bout de 5 ans pour une espérance de vie de 20 ans. Et donc, ouais, voilà quoi. C'est On aime bien nos animaux, mais on va les abattre quand même parce que. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut défendre ce point de vue. Il y avait la marche aujourd'hui à 2h contre pour la fermeture des abattoirs et je sais plus où c'est. Hein ? Contre Monsanto. Il y avait un truc aussi, une amie qui m'avait dit qu'il y avait un truc. Donc là c'est la marche contre Monsanto aujourd'hui. Elle est partie vers Stalingrad. J'espère que ça se passe bien. Et là il y a une marche pour la fermeture des abattoirs qui est le 5 juin et qui devrait commencer normalement à République à 14h. Oui, c'est le 5 juin la marche. Marche pour la fermeture des abattoirs, c'est le 5 juin. C'est le samedi 4. Non, c'est le samedi 4 juin, ce sera à République. Et la marche elle-même commence à 14h. Enfin, normalement, ça devrait être à République. Et voilà. Et donc, contrairement à ce que dit le nom, c'est pas juste une marche. L'objectif, c'est pas juste fermer les abattoirs et que les gens abattent leurs animaux chez eux. Hein, c'est vraiment, il faut comprendre, abolition de la viande pour une société antispéciste, etc. Considérer les droits des animaux, tout ça. C'est le packaging. Je dis tout simplement que tout ça, ça commence aussi par la non-violence. Et puis, ça fait partie du yoga aussi. C'est un enseignement qui commence par la voix qu'à 20 000 ans, on ne tue pas les animaux. On ne tue pas les êtres qui ont un cœur qui bat, qui vibre avec l'univers. Un animal, ça ne pousse pas comme une carotte. Et ça se respecte et il ne faut pas les manger. Il faut les aimer, tout apprendre d'eux. Et tout ça, ça a été dit par le yoga et la Ayurveda depuis la nuit des temps. C'est-à-dire connaissance de la vie et unir le corps et l'esprit. Et il faut apprendre à aimer. Voilà, et pour ça, il faut apprendre à s'aimer et pas donner à son corps du cadavre. Voilà, c'est tout. Et effectivement, et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant. Enfin, s'il y a des gens qui sont sensibles, parce que nous, on a eu un discours essentiellement philosophique, de la tradition philosophique très européenne, enfin française, etc. S'il y a des gens qui sont plus intéressés par les questions d'empathie et de spiritualité et ce genre de choses, effectivement. L'Inde, le bouddhisme, l'hindouisme et le jaïnisme ont des propositions tout à fait intéressantes à ce sujet et c'est pas forcément un discours argumentatif comme nous on est habitué à le faire, mais c'est quand même intéressant si vous voulez aller voir ce qui se passe de ce côté-là, parce qu'au fond c'est quand même un peu la même chose. C'est que nous on le justifie avec l'antispécisme et tout ça, mais au fond c'est quand même une question d'empathie et de considérer les intérêts d'autrui, quoi. Et d'ailleurs, 40% de la population indienne est végétarienne. Ce qui prouve que ça fait quand même une longue tradition et qu'on peut parfaitement vivre pendant des siècles comme ça. Oui, ça m'inspire juste une remarque que c'est intéressant parce qu'ici, ça, antispécisme même, c'est un mot qui n'est encore pas extrêmement répandu. En tout cas, en France, ça commence, mais il faut l'expliquer. Moi, je l'ai découvert il y a quelques mois. Et donc, ça nous paraît quelque chose de nouveau, en rupture avec nos traditions, avec nos manières de penser. Et au contraire, il suffit de se décentrer un petit peu, d'aller ailleurs qu'en Occident. Et on se rend compte que, notamment dans les traditions orientales, mais que c'est plutôt ça la tradition. Et enfin, je caricature, hein, je connais très mal, mais et que peut-être qu'ils sont en train d'importer des modes de vie occidentaux plus carnés, plus et qui sont qui déforment ou en tout cas qui transforment leur tradition. Donc c'est exactement l'inverse, ce qui est le nouveau d'un côté et le traditionnel de l'autre. Enfin, je caricature un peu, mais c'est assez frappant. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou envie de réagir sur d'autres points qui n'ont pas été abordés. Sinon, on va... Oui ? Bonjour, vous m'entendez ? J'arrive juste, désolé. Juste sur anti, est-ce qu'on peut définir une idéologie, une pensée en étant anti ? Ouais. Non mais c'est vrai que antispécisme c'est contre le spécisme et on peut en donner une définition négative, c'est-à-dire juste contre le spécisme, mais en réalité c'est vrai que on est quand même pour des choses, on est pour les droits des animaux, on est pour les intérêts des animaux. Je sais pas s'il faudrait changer le terme. L'avantage au moins c'est que ça parle de spécisme et ça au moins ça révèle. Par exemple, contrairement à véganisme, le terme antispécisme révèle qu'on se combat contre quelque chose, contre le spécisme. Et c'est important d'avoir un mot qui va désigner la chose qu'on lutte. Parce que sinon, c'est difficile de lutter contre un adversaire qu'on ne peut même pas nommer.